Je crains tellement la famine, je ne rêve que de manger des tartines. Moi je crains tellement la disette, j'ai de manger des cacahuètes. Y'en a qui rêvent de belles piscines, moi je mange des tartines. Y'en a qui rêvent de beaux costumes, moi je d'autres qui rêvent de trucs en plume. Moi je crains tellement la misère, je ne rêve que de manger du gruyère. Moi je crains tellement le besoin, je ne rêve que de manger du safran. Y'en a qui rêvent d'aller en Chine, moi je mange des tartines. D'autres rêvent d'aller sur la lune. Moi je crains tellement la souffrance, je ne rêve que de me remplir la panse. Moi je crains tellement le souci, je ne rêve que de